journaliste Ndikoma Nyanga. Merci de rester branché sur l'antenne de la radio Isanganiro. Florence et Eric sont de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à cette actualité dont voici d'abord l'essentiel. Le Burundi et la Banque mondiale ont signé ce lundi 4 accords de financement pour un montant de 493 millions de dollars. Et ce financement sera affecté dans différents secteurs, à savoir la santé, la résilience au changement climatique et infrastructure, l'accès à l'électricité, ainsi que l'éducation et cantine scolaire. L'insuffisance de salles de classe et de matériel didactique, de même que le personnel enseignant, sont quelques défis soulevés par les natifs de la province de Rumonge qui font que cette province reste en arrière dans les résultats de tests nationaux. Ils l'ont dit dans une réunion qui s'est déroulée dans la capitale économique Bujumbura, c'était ce dimanche. Le psychologue Alexis Ndayizigiye appelle plutôt les parents à discuter avec leurs adolescents dès l'âge de 8 ans pour éviter des conséquences fâcheuses en âge d'adolescence, un moment qui se manifeste par des changements, que ce soit corporels et psychiques, à partir de 10 ans chez la jeune fille et le jeune garçon. Et dans la chronique sport de ce lundi, Claude Manirambona, vice-président de la Fédération burundaise de padel, nous parle des conditionnalités exigées pour devenir arbitre du jeu de padel. Bienvenue à cette actualité. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page éducation. L'insuffisance de salles de classe et matériel didactique, de même que le personnel enseignant, sont quelques défis soulevés par les natifs de la province de Rumonge qui font que cette province reste en arrière dans les résultats des tests nationaux. Ceci a été soulevé ce dimanche au cours d'une réunion tenue à leur intention dans la ville de Bujumbura. Le directeur provincial de l'éducation a signalé que la démotivation du personnel de l'éducation figure parmi les causes de cette régression. Léonard Niyonsaba, gouverneur de cette province, a indiqué qu'en collaboration avec les intervenants dans ce secteur, ils vont arrêter des stratégies pouvant accroître le rendement scolaire. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Dans cette rencontre des natifs de la province Rumonge, la question de savoir pourquoi cette province reste en arrière dans les résultats des tests nationaux a été soulevée. Le directeur provincial de l'éducation a expliqué que depuis la mise en place du système d'éducation fondamentale, la situation a beaucoup changé. Un autre élément signalé est que les enseignants et les responsables des écoles sont démotivés et ne suivent pas comme il faut les enfants dans leur classe. Depuis la suspension de l'examen de concours national de la sixième année, le constat était que les enseignants et les directeurs des écoles fondamentales ont été démotivés jusqu'à ne pas suivre les enfants de la première année, deuxième année, troisième année, quatrième jusqu'à neuvième, comment sont dispensés les cours. Sur ce, à partir du mois de septembre, nous allons commencer à vérifier la capacité intellectuelle de chaque enfant à partir de la deuxième année pour savoir s'il est capable de continuer et monter de classe dès la première année pour voir s'il y a des enseignants qui ne terminent pas les programmes ou qui ont des faibles capacités. S'ils ont besoin d'être formés, qu'on le fasse. Appuyé par l'administrateur de la commune Rumonge, les causes de cette régression, il y a le suivi des cours par des enfants dans de mauvaises conditions. Il signale également que certains sont assis par terre sur des pierres et d'autres au nombre de quatre sur un seul banc. Nous avons trouvé que les enfants étudient dans de mauvaises conditions. Certains s'assoient à plus de 4 sur un seul banc, d'autres sur les pierres parce qu'ils n'ont pas de banc. Le rapport présenté par la direction communale de l'éducation a montré que nous avons besoin de plus de 7000 bancs. Une autre raison, c'est l'insuffisance de matériel didactique. La commune Rumonge a 287 enseignants vacataires et demande un salaire de plus de 200 millions. Cette somme devrait être payée par les parents, ce qui est difficile, car des enfants dont les parents sont incapables sont chassés et ne peuvent pas étudier et même certains abandonnent. On a vu que les abandons scolaires atteignent 25%. Léonard Niyonsaba, gouverneur de la province Rumonge, Après les échanges, ils ont décidé que, en collaboration avec les intervenants dans le domaine de l'éducation dans cette province, ils vont mettre en place de nouvelles stratégies pour changer cette situation. Dans le domaine de l'éducation, on va prendre toutes les stratégies nécessaires, commençant par les enseignants, les écoles fondamentales au niveau première année. On a pu constater qu'on ne peut pas attendre la réussite au niveau de la 9e ou au niveau des classes terminales. Il faut que tout le monde se concentre des efforts au niveau de l'école fondamentale, commençant par la première année. Cette réunion a vu la participation de tous les natifs de la province Rumonge, résidant à Bujumbura, et d'autres natifs résidant dans d'autres provinces du pays qui y exercent différentes activités. Merci Jean-Marie Mayonga pour tous ces détails. L'actualité continue sur Isanganiro. Un retraité de la fonction publique peut exercer d'autres activités génératrices de revenus et continuer à faire vivre sa famille. L'exemple est celui de docteur Chimilimana Deo, aujourd'hui en retraite et qui pratique l'agriculture à sa colline natale, Rango. Nous sommes en commune Rango de la province Kayanza. Les voisins de ce retraité se disent satisfaits de ces activités agricoles qui leur permettent de gagner du travail et assurer eux aussi la survie de leur famille. L'administration communale de Rango salue chaleureusement l'initiative de ce retraité qui participe dans le développement communautaire de la commune, n'est-ce pas Patrick Saint-Guillaume? Ce septuagénaire docteur Deon Chimilimana a fait savoir qu'il a été engagé dans le domaine de la santé depuis 1982 où il a occupé différents postes étant dans le ministère de la Santé au Burundi et dans l'Organisation mondiale de la Santé. Là, il donne l'exemple du titre de médecin chef de district, médecin directeur provincial, médecin directeur de l'hôpital, avant d'être embauché dans l'Organisation mondiale de la Santé, où il a représenté cette institution dans certains des pays africains, comme la Brazzaville et la République démocratique du Congo. Docteur Deon Chimilimana indique qu'après le travail, il a préféré retourner à sa colline natale pour exploiter les propriétés foncières de sa famille, le travail qu'il fait en collaboration avec ses frères, précise-t-il. Ce docteur, aujourd'hui en retraite à la colline Rango, fait savoir que les activités agricoles qu'il exerce sont encore à ses débuts, mais que les jours à venir, l'augmentation de la production s'annonce bien, quoique le manque de la fumée animale reste encore, d'après lui, un défi important pour ses activités. Les voisins de ce retraité, docteur Deon Chimimana, font savoir que les activités agricoles de ce retraité avec ses frères leur sont d'une grande importance, expliquant qu'ils sont engagés dans les activités agricoles de leur champ et qu'ils gagnent de l'argent pour assurer la survie de leur famille. Deyi Sibaba Kubwayo, administrateur communal de Rango, salue chaleureusement l'initiative de ce retraité docteur Chimilimana de participer dans le développement communautaire de la commune et appelle à cet effet d'autres natifs de la commune Rango qu'il dirige à emboîter le pas de docteur Deon Chimilimana et investir dans différents secteurs de la vie de la commune. Depuis Kayanza, Patrick Nsengyumba pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Signature ce lundi de 4 accords de financement entre le Burundi et la Banque mondiale pour un montant de 493 millions de dollars. Ce financement sera affecté dans différents secteurs, à savoir la santé, la résilience au changement climatique et infrastructure, l'accès à l'électricité ainsi que l'éducation et cantine scolaire. Ce qui est très important à laisser entendre Hawa Sisewage, représentant de la Banque mondiale au Burundi, c'est beaucoup plus la mise en œuvre de ces projets avec Mireille Kanyang. Quatre projets sont concernés par cet accord de financement de ce lundi et c'est dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population, comme l'ont signalé les signataires. Le premier est relatif à la résilience au changement climatique et c'est pour un montant de 113 millions de dollars, précise Audace Niyonzima, ministre burundais des Finances. Et l'objectif du projet est de répondre à la situation d'urgence, d'accroître la résilience aux inondations et d'améliorer la gestion urbaine résiliente au changement climatique à Bujumbura et dans la zone de Gatumba. Les activités qui sont réalisées dans le cadre de ce projet sont notamment la protection et la réparation des infrastructures critiques, y compris le pavage des routes, la protection des rives du lac, la restauration des bassins versants et des canaux en amont pour atténuer les risques pluviaux, réduire l'érosion et l'embasement des installations de stockage, drainage dans les bassins versants de Nahangwa et Gasenyi, la restauration et la protection des rives du lac Tanganyika, la restauration et la protection des berges, des solutions et des investissements basés sur la nature pour soutenir l'infiltration et gérer les risques d'inondations pluviales, la protection et la réhabilitation des infrastructures de services urbains à risque. Le second projet concerne l'accès à l'énergie propre et durable pour une enveloppe de 100 millions de dollars américains. Et le troisième projet, d'une valeur de 50 millions de dollars américains, est relatif à la préparation des réponses et de résilience aux urgences sanitaires. Le quatrième accord de financement parle de développement du capital humain au Burundi. C'est un projet qui renferme notamment les cantines scolaires et c'est pour un financement de 230 millions de dollars américains, indiqué le ministre des Finances. L'objectif de ce projet est de développer les compétences des garçons et des filles grâce à un meilleur accès aux services de nutrition, de soins de santé et d'éducation de base de qualité au Burundi. Lors de cette signature, Hawa Sisewage, représentante de la Banque mondiale au Burundi, centre l'importance de tels accords sur la mise en œuvre effective des projets. Il est très facile de signer les accords de financement. Le plus difficile, c'est quoi ? C'est la mise en œuvre. Donc maintenant, on doit s'atteler pour commencer à courir et nous assurer que ces projets sont mis en œuvre rapidement. Je compte vraiment sur vous et nos équipes, bien sûr, pour travailler ensemble à ce que ces projets soient mis en vigueur dans les semaines qui viennent et qu'on commence à voir les activités sur le terrain afin que les populations burundaises sachent que cet argent qui vient d'être signé est en train d'être mis en œuvre. Trois ministères, à savoir l'éducation, la santé et les infrastructures, sont concernés par cet accord de financement d'une valeur de 493 millions de dollars américains. Merci à Miri Kanyang. Cap sur Gitega où les prix des matériaux de construction ont sensiblement augmenté ces derniers temps, indiquent les commerçants et les acheteurs. À titre illustratif, un sac de ciment tanzanien appelé Dangote coûte 68 000 alors que son prix antérieur était de 51 000 francs burundais et le prix d'une tôle appelée Dumzaz a passé de 29 000 à 43 ou 44 000. Les commerçants expliquent que c'est à cause de manque de devises au moment où la population demande à l'État de tout faire pour que ses prix baissent au lieu de continuer à grimper. Nous devons cette information à notre correspondant de Gitega, Gérard Nibikira. Cette hausse des prix des matériaux de construction a commencé à se faire remarquer depuis environ 2 mois, comme l'indiquent les commerçants de ces matériaux et les acheteurs. Ainsi, par exemple, un sac de ciment de 50 kg importé de la Tanzanie, appelé Dangote, coûte aujourd'hui 68 000 francs bouts, au moment où, il y a environ 2 mois, il coûtait 51 000 francs bouts. Quant au ciment fabriqué au Burundi, communément appelé Buseko, son prix officiel est de 38 000 francs bouts pour un sac de 50 kg, mais il n'est pas visible sur le marché. Il ne s'obtient qu'au marché noir à 62 000 francs pour le sac de 50 kg, comme le précisent différentes sources. À propos des tôles, une tôle appelée Musumba numéro 1 coûte 46 000 francs pour, alors qu'il y a un peu moins de 2 mois, il ne coûtait que 29 000 francs pour. Même chose pour la tôle appelée Dumzaz qui coûte entre 43 et 44 000 francs pour, alors que son prix antérieur était de 29 000 francs pour aussi, indiquent les commerçants. Sans contacter. S'agissant des fer à béton, le prix d'un fer à béton numéro 8 a passé de 25 à 30 000 francs bouts. Le fer à béton numéro 10, quant à lui, a passé de 36 000 à 45 000 francs bouts. Quant au fer à béton appelé Turquie numéro 10, son prix a passé de 66 000 francs bouts à 75 000 francs bouts. Les commerçants des matériaux de construction de Gitega avec qui nous sommes entretenus expliquent cette hausse de prix par le manque de devises pour importer ces matériaux. Ils proposent que les devises soient rendues disponibles. De leur côté, les personnes qui ont des chantiers de construction des maisons ou des travaux de réhabilitation des maisons font savoir qu'ils ont de la peine à se procurer des matériaux de construction nécessaires suite à cette hausse des prix. Ils ajoutent que même les matériaux de construction locaux, tels les briques cuites, le moelleau, sable et perche, ont vu leur prix sensiblement augmenter aussi. Ils demandent alors à l'État de tout faire pour que les prix des matériaux de construction importés surtout diminuent au lieu de continuer à augmenter. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isanganiro. L'adolescence est un moment qui se manifeste par des changements, que ce soit corporels ou psychiques. À partir de 10 ans chez la jeune fille ou le jeune garçon, le psychologue Alexis Ndaïdiguié explique que ces changements qui se font sur le plan psychique font que la jeune adolescente cherche à savoir le pourquoi, les parents lui interdisent certaines choses, surtout avec l'apparition des premières menstruations. Au moment où certaines jeunes filles de la capitale économique de Bujumbura témoignent qu'avec leurs parents, ils n'ont pas de discussion à propos de cette étape. Le psychologue Alexis Ndaïziguié appelle plutôt les parents à discuter avec leurs adolescents dès l'âge de 8 ans pour éviter des conséquences fâcheuses. Le point avec Sheila Irambona. Comme l'explique ce psychologue, l'adolescence est une période qui est très importante dans la vie d'une personne car c'est un pont entre l'enfance et l'adulte. Des modifications qui se passent sur le plan corporel et psychique font que l'adolescente se prenne pour une adulte, d'où elle commence à braver les interdits, comme par exemple chercher à sortir avec les jeunes garçons, d'où selon lui, l'intérêt des parents de tirer attention à propos de cette période. Comme le cerveau est en train de grandir à une vitesse très importante, il y a aussi des changements au niveau comportemental, au niveau aussi de l'analyse. Cet enfant ne se voit pas comme un enfant, il se voit comme un adulte. Tout ce changement au niveau de la perception de soi change aussi les façons d'accueillir les conseils. Et l'adolescent ou l'adolescente cherche à savoir pourquoi les parents disent de ne pas faire ça. Et ils posent des questions aux autres. Même s'il donne ses explications, certaines jeunes filles de la ville de Bujumbura, avec qui nous sommes entretenues, témoignent que leurs parents ne prennent pas en considération cette période. Ma mère ne m'a jamais parlé de cela. Elle ne m'a jamais parlé d'interdit qu'une jeune fille ne doit plus faire ceci ou cela en cas de menstruation. Elle prend cela comme une situation normale. Moi, j'ai eu mes premières menstruations lorsque j'étais en cinquième année. À l'école, nous avions des uniformes clairs. Après avoir vu le sang, j'ai eu peur. Le psychologue appelle ses parents à amorcer le dialogue avec leurs jeunes adolescents l'âge de 8 ans. Quand le parent lui demande comment tu t'es comporté, l'enfant peut s'exprimer en montrant ce qu'il a fait, ce qu'il n'a. Là où il y a un « ça ne va pas », et puis le parent va guider l'enfant pour mieux bien sortir dans cette situation. Au cas où ils sont habitués à échanger, au cas où ils ne sont pas habitués, l'enfant rencontrera des défis, mais difficiles à surmonter, et aussi il ne trouvera pas quelqu'un pour l'aider. Il peut trouver des amis qui pourront donc renforcer cette vulnérabilité, et le parent dans son cas, il lui sera très difficile de corriger du fait que l'enfant n'accepte pas les conseils de son parent. L'autre conseil donné par ce psychologue est que ce dialogue doit être également fait par les parents avec les jeunes garçons, car eux aussi peuvent faire face à des conséquences, dont des maladies, s'ils adoptent des comportements à risque. Radio Isanganiro, chronique sport. Les arbitres de jeu padel commencent leur métier d'arbitrage après la formation dispensée par les experts de ce sport qui dure entre 6 mois et 1 année. Claude Manirambona, vice-président de la Fédération burundaise de padel, fait savoir que ces arbitres atteignent le niveau d'arbitrer les compétitions internationales après avoir bénéficié d'autres formations qui sont plus souvent organisées par la Fédération internationale de padel. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianing-Dakoumane. Pour être arbitre de jeu de padel, on doit d'abord bénéficier de la formation dispensée par les experts du sport de padel dans le but de connaître les règles régissant le jeu. Explication de Claude Manirambona, vice-président de la Fédération burundaise de padel. Pour être un arbitre, ce qu'on demande, c'est le niveau d'études d'abord et la formation qui suit. Donc, une formation qui peut durer donc, entre 6 mois et 1 année. Donc, et après, donc, on vous enseigne les règles du jeu, donc comment se fait le jeu. Il y a aussi une formation spéciale. Donc, tu commences à arbitrer donc, des matchs de niveau amateur avec la supervision des expérimentés donc, pour voir ce que tu peux en faire. Et il y a aussi donc, une troisième procédure qui est donc, la certification pour ceux qui auraient ici. Donc, ça peut varier entre 6 et 1 année. Normalement, la formation est faite par la Fédération nationale, c'est elle qui fait tout. Mais comme c'est un nouveau sport, donc, au niveau du ministère, il n'y a pas beaucoup d'experts à la matière. Donc, il n'y a pas beaucoup d'experts en matière, donc c'est la fédération qui s'en charge. Le vice-président de la fédération burundaise de Padel indique que ses arbitres commencent à arbitrer les compétitions internationales après avoir réussi le test d'arbitrage organisé annuellement par la Confédération internationale de Padel. Quand est-ce qu'il commence avec le match international? C'est après la formation nationale et la certification au niveau national. Donc il y a un test qui est organisé au niveau de la Confédération internationale de Padel. Il y a un test qui est organisé là-bas pour la sélection des arbitres nationaux afin qu'ils deviennent donc des internationaux. Ils vont là-bas aussi, donc il faut faire aussi la formation internationale pour afin devenir des internationaux. Donc, comme tu es déjà arbitre national, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est juste une formation de quelques mois. Lorsqu'un arbitre de Padel viole les règles législatives sur le sport lors des compétitions, il est infligé des sanctions jusqu'à la suspension dans la commission d'arbitrage dans une période de 10 années, selon la grandeur de la faute. Des punitions quand un arbitre donc commet des fautes, ça dépend. Donc il y a des amendes, il y a la suspension dans l'ordre de l'arbitrage, donc une suspension qui peut durer une année. On peut même t'oreiller carrément dans la liste de l'ordre des arbitres. Donc ça dépend aussi des fautes. Il y a une commission qui est chargée de ça. Claude Manilambona fait savoir que les arbitres burundais de Padel se comportent bien d'une façon générale, du fait qu'aucun n'a jamais été suspendu dans la commission d'arbitrage suite un mauvais comportement qui peut s'observer lors des compétitions. Voilà, c'est par ici que se referme cette actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci à Florence et Eric pour leur parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite des programmes sur Sanganitou.